بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. طه أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى. Donc hier, on a pu voir la leçon numéro 6. Elle a tourné autour de Hadihi. On a vu que Hadihi, c'est Hadihi, on a vu c'était Ismou Si'ishara. La même chose que Hadha, la même chose que Hadha, sauf que c'est pour utiliser pour le Mu'annath. Le Ha, ça veut dire que le Ha, c'est quoi? Mahada. Le premier. Ah, le ha, c'est harf. C'est pour attirer l'attention de cette personne. Tamam. Wa zihi. La, zihi. Non, le kul. Ah, ça c'est ishara. Ismu ishara. Tamam. Lil mu'annathi. Al mufradati. Parce que le mu'annath, ça peut être plusieurs. Singulier. Al qarib. الأصل سيكون سيتوزي بور بعيد، هذه القريب تمام، سيتوزي بور قريب وقد يستخدم للبعيد، حتى بعضهم قالوا لها هذه لكي يعني تنبه ولو تسمى ممشي الأشوز للوانيه لفك تابوي دسو تو سي بور اتيري فريمون سون اتونسيون تمام. هذه تمام الى بعيد. تمام. Donc هذه la même chose que هذا. Vas-y. تمام. On a vu كذلك. Le lam. لما تجي مثلا هذا لخالد. C'est-à-dire quoi ça? Le lam. حرف جر. En français. Parmi ces significations, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs sens. Et celui qu'on a vu aujourd'hui, celui qu'on a vu plus tôt dans le son, c'était, tu te rappelles, tamlik ou l'artesas, comme on dit. En fait, les deux, ça englobe le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une appartenance. Mais comme on avait dit, tamlik, c'est pour une personne qui on peut caractériser qui possède, et l'autre, le contraire. Tu vas spécifier la chose, il y en a qui appartient à notre truc. Tamam. Il y avait quoi? Le mubtada ou le khabar. On a vu le mubtada ou le khabar, ça c'est parmi une des grosses leçons qu'il faut vraiment. Mais ça t'a dit, on ne s'est pas trop étendu dessus, mais je vous avais donné, mais. On revient dessus. Donc, le mubtada, pourquoi il a été appelé mubtada? Parce que c'est celui qui débute la phrase. C'est celui qui débute la phrase. On avait dit, mubtada, ça vient de ba'da'a, qui est le fait de débuter. Tamam. Wal khabar, il a été appelé comme ça puisque c'est lui qui apporte l'information. Le khabar, c'est l'information. Tamam. Donc le mubtada et le khabar, comme on a dit, ces deux ensembles-là, ils forment la phrase nominale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mubtada wa khabar, cette phrase-là, tu vas l'appeler phrase nominale. Donc sa définition, le mubtada, on avait dit, c'était quoi? C'était une umda. Il y a une chose que tu ne peux pas te passer, que tu ne peux pas supprimer. Tu peux supprimer le mubtada. Al-umda. Umda. Umda, c'est une chose qui est indispensable. يعني الشيء يعني لا تستطيع يعني كأنه يعتمد عليه لماذا سمي العماد عمادا لأن البناء يعتمد عليه la construction repose sur ce pilier là pour ça qu'il a été appelé عماد يعني يعتمد عليه البناء تمام كذلك عش هنا المبتدا يعتمد عليه وتعتمد عليه الجملة الاسمية la phrase nominale elle repose sur المبتدا والخبر s'il n'y a pas cela c'est comme deux poteaux deux piliers si tu enlèves un l'édifice il s'effondre T'enlèves les deux, kadalek, tamam. C'est-à-dire que ces deux choses-là, comme on va voir, c'est des choses, ce sont des choses indispensables. Umda, c'est la chose qui est indispensable, que tu ne peux pas supprimer, comme on avait dit, excepté si il y a un dalil qui prouve cela, tamam. C'est un ism, la boule. Parce que c'est phrase nominale, donc ça peut être que ism. Non, non, ça peut être n'importe quel ism. On va voir, tu as plusieurs sortes de ism. Mais le fait que déjà, on sache que lui, il forme la phrase, nominale, ça ne peut pas être un fiat. Impossible. Donc c'est un ism, et vous allez voir, l'ism, il y a plusieurs catégories, ça va venir plus tard. Toi, sache que c'est un ism qui va venir. Si jamais tu vois une phrase qui commence par un verbe, tu ne peux pas dire de cette phrase-là, c'est une phrase nominale. Abadan. La phrase nominale, c'est celle qui débute par un nom. C'est-à-dire que ce sera le mubtada, parce que la phrase, ou bien la phrase nominale, elle ne peut que commencer par le mubtada. Il n'y a pas d'autre chose. La phrase nominale, elle ne peut que commencer par un mubtada. Il y a quelque chose qui est composé avec un mubtada wa khabar. Comme on a dit donc, c'est al-umda. C'est une chose que tu ne peux pas supprimer. À laquelle tu ou à laquelle elle va pivoter l'info va tourner autour de lui donc c'est la chose qui est indispensable auquel l'information va tourner autour de lui on avait pris comme exemple maintenant on va prendre un autre exemple aujourd'hui on va prendre al haq on ramène ce khabar là sans soi al haq منصور la vérité est secourue الحق منصور comme on a dit c'est une umda si jamais tu dis منصور tu ne vas pas savoir l'information elle tourne autour de quoi du حق là on est en train d'informer ou porter une information sur le حق qui sera secouru c'est pas l'axe C'est pas secouru à qui on veut rapporter la vérité. Ça, tu veux pas, tamam? C'est pas l'axe. Donc celui à qui on apporte l'information, tamam? Et qu'on peut pas supprimer, mubtada. Tamam? Et qui débute. Et qui est une arme qui débute, on va dire, prenez ça comme base, tu vois. Parce qu'il peut être inversé, on va le voir. Il peut venir à la base du mot, le khabar qui vient en premier, ensuite le mubtada, qui vient en deuxième position. Mais là, inshallah, on va rester dans le basique. Tamam? C'est-à-dire mubtada, ensuite khabar. Tamam? Si la phrase nominale, elle commence par celle, le mubtada, regarde-le, est-ce que tu peux le supprimer? Non, indispensable. L'information, est-ce qu'elle tourne autour de lui? Naam, khalas. Tu peux directement juger de ce mot-là que c'est un mubtada. Le khabar, kazalika, nafsuhu, c'est une umda. Tu ne peux pas le supprimer. C'est indispensable pour compléter la phrase. Si jamais je dis al-haq et je me tais, il va manquer l'information. Tu vas demander l'information qui tourne autour du haq. Al-haq, esh. Al-haq, mansour. Al-haq, il dit ou il a crédit, tu vas demander une chose, tu vas demander une chose. Donc le fait que le khabar, c'est l'information avec laquelle va se compléter la phrase nominale. L'information avec laquelle, non, on avait dit quoi? C'est matatimu bihi ma'a al-mubtada'i al-fa'ida. C'est la chose qui, avec le mubtada, va apporter une information complète. Va apporter une information complète. Donc c'est la même chose, c'est n'umda et c'est celui qui apporte l'information. Les deux. Là, on va pas sauter. C'est comme un fi'l avec un fa'il. Pour que l'action se produise, il faut bien que quelqu'un la fasse. C'est la même chose. La kazalika, le mubtada, tu es obligé d'avoir une chose qui vient lui apporter une information. Sinon, parce que le but de la phrase de Mélaz, la phrase, c'est que tu comprennes, c'est qu'il y a une fa'ida. Donc pour la fa'ida, tu es obligé que tu aies une information. Et l'information, ça s'appelle le khabar. Jusque là, vous avez compris? Ça c'est. Ouais, mais sauf que l'un des deux, un c'est une fadla, c'est-à-dire c'est une chose qui peut être supprimée, et le deuxième, il ne peut pas être supprimé. Khabar. Comme on avait dit, Mathalan, tu dis par exemple avec les haq mansour, je sais pas, par exemple wahabi, il est secouru et il est clair. Si j'enlève clair, si j'enlève secouru, ça se dit toujours le haq, il est clair. Non, en français. En arabe, si je te dis, مثلاً, الحق الواضح, الحق الواضح. En français, ça veut dire quoi? La vérité claire. الحق الواضح. Tu comprends quelque chose? الحق الواضح. La vérité claire. Ça se dit que ça se dit la vérité claire? Ah, tu vas dire la vérité claire. Est-ce que tu vas me dire la vérité claire? La vérité claire, tu me dire, est-ce que la vérité claire? La même chose, al-haq al-wadih, مثلا, Mansour. Soit si M. l'enlève, al-haq Mansour. Al-haq al-wadih, il manque une information, c'est pas un khabar. Vous, là, avec la sifa, c'était juste histoire de. Allez, comme ça, même belle faïda, mais vous, concentrez-vous sur ça. La chose par laquelle le khabar, mubtada sahl, inshallah. Laquelle le khabar, l'information qui est apportée, qui va apporter l'information sur un autre. Et cette information-là, là, la buddha minha, tu es obligé de l'avoir. Tu ne peux pas la. Si tu la supprimes, la phrase, elle sera insensée, incomplète. Ce ne sera pas une phrase. Non, même pas, ce sera. Voilà, je ne peux plus dire que c'est une phrase. Donc, toute chose qui apporte une information et qui ne peut pas être supprimée, khabar. Prenez ça comme ça. Et on peut même dire comme ça, de façon yani basique, c'est qu'il vient après. تمام من المبتدا تمام ما كما فعل مثلا ترى marqué là هنا on va dire ذهب علي تمام elle est complète la phrase tu l'as compris ou pas elle est compris ذهب علي علي il est parti c'est compris ou pas c'est compris est-ce qu'on peut appeler ça un مبتدا ou خبر pourquoi ça c'est un verbe ça c'est un verbe et même le truc là, là, ouais, mais là, là, le truc, c'est quoi là le, regarde, le premier truc qui a commencé, c'est quoi un verbe? Tu peux pas dire c'est une phrase nominale. La phrase, la phrase qui commence par un verbe, c'est un verbe. C'est tout. La phrase qui commence par un verbe, phrase verbale. Elle commence par un nom, phrase nominale. Là, tu regardes, c'est zahaba. Donc, ça peut pas être un mubtada abatan. Et ce qui vient ensuite, ça peut pas être un mubtada parce que c'est pareil. Comment on va voir? S'il y a un mubtada, objet, il y a un khabar. Bah là, c'est un verbe. S'il y a un verbe, il y a un fi'l, il faut qu'il y ait un fi'l. S'il y a un fi'l, il est obligé qu'il y a celui qui fait l'action. Vous prenez-vous pas la tête par rapport à ça? Focalisez-vous sur quoi? La définition. Si vous comprenez la définition du mubtada wal khabar, inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Si vous comprenez le mubtada wal khabar, sa définition. Donc ça c'est yani par rapport à quoi? La définition. Tamam? Ensuite, on va voir que mubtada wal khabar comme toute chose, ils ont des ahkam, ils ont des règles. Tamam? Il y a des règles qui vont se rapporter au mubtada et des règles qui vont se rapporter au khabar. Le mubtada, tamam, c'est lui qui il commence la phrase. Ça, c'est de manière basique. Yubda bihi al-jumla. Tamam? Ça, c'est le premier truc. On commence par lui la phrase. Yubda bihi al-jumla. Donc, tu commences par lui la phrase. Al-khabar, il a dit ba'da al-mubtada. Mais entre parenthèses, comme ça. Ghaliban. Mais souvent, il peut y avoir des exceptions, t'as mais nous on reste dans le basique. Ça deuxième, al-mubtada. Il faut qu'il soit quoi? Ma'arifa. Il faut qu'il soit défini. Mubtada, c'est pour ça que quand, à chaque fois je vous dis, ça fait partie de la catégorie des choses qui sont définies, qui sont définies. Parce que par ça, là, tu vas savoir si jamais la matelan, si jamais après lorsqu'on va connaître, Inch'Allah, toutes les catégories définies, tu vas savoir que si jamais la matelan, un mot, il vient en akira, tu vas dire c'est pas possible que ce soit un mubtada parce qu'il est indéfini. Et parmi les conditions du mubtada, il faut qu'il soit défini. Donc c'est important de connaître les choses qui sont définies. Par elle, tu vas y aller, ça, une règle, elle est liée à une autre, tu vois. Cette règle-là, là, qu'on a vue, là, dans le défini, ou plutôt la catégorie de mots, t'en as besoin ici dans le mubtada. Donc c'est lié. Chaque leçon, elle est un peu liée à l'autre, tu vois. Ma'arifa, il faut qu'il soit défini. Ça, c'est pareil. Dès que je mets comme ça, là, je mets un raïn pour dire ghaliban. c'est-à-dire il est souvent, il peut être défini, exception. Mais le, la base, c'est ça. Vous restez sur ça, parce que le tome 1, c'est ça. Ça va, il ne va pas te ramener un mubtada qui sera indéfini. Ça, c'est, vous le verrez plus tard, Inch'Allah. Le deuxième point, où, en contrepartie, celui-là, il est quoi? Il est indéfini. L'autre point, parmi ces règles, c'est que le mubtada, il est marfou'. Il est marfou'. Kadalika. Et celui-là, kadalika. Et le troisième point, en gros, il faut qu'il soit, il s'accorde en genre et en nombre. En français, c'est vite ça. Tac, tac. Mais en arabe, مثلاً, al-haq. Al-haq, c'est singulier ou pas? Al-haq, singulier. Il est, comment ça s'appelle, en genre et en nombre. C'est féminin ou masculin? Masculin. Donc là, lui aussi, il doit s'accorder. Masculin, singulier. Si je dis, مثلاً, pour prendre un exemple, je veux dire. Allah. Je veux dire Amina Aminatu Waqifa. C'est quoi ça? C'est Mubtada Khabar Amna? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce qui te fait dire ça, c'est que Amina respecte les conditions de. Que c'est un isme. Ouais. C'est un pareil, il est défini. Mais surtout, bien avant ça. Parce que là, tu nous as ramené les règles qui sont relatives au Mubtada. C'est-à-dire que déjà, tu sais que c'est un Mubtada. Donc moi, je veux que tu m'affirmes déjà que c'est un Mubtada. Avant que tu me ramènes les règles qui sont relatives au Mubtada. Parce que si jamais tu ramènes les règles qui sont relatives au Mubtada, mais en tous les cas, c'est que tu as déjà ramené les... Tu sais que c'est déjà c'est un Mubtada. Bah, moi, je sais que c'est un Mubtada parce que ce qu'il fait, il informe sur Amina. Et surtout, wesh, tu ne peux pas le supprimer. Deux choses. Tu ne peux pas le supprimer, il importe une information. Je supprime. Waqifatun. Tu vas me dire men waqifa. Amina. Demain. L'information tourne autour de qui? Amina. C'est toujours ça qu'on se pose. Toujours. Regarde directement si tu arrives à l'enlever ou pas. Si jamais tu l'enlèves, est-ce que ça fait un khala dans la phrase? Est-ce que ça importe une mauvaise incompréhension ou la phrase devient sensée? Si jamais il y a ça direct et c'est un nom qui commence. Ça commence déjà bien, c'est un Mubtada. Yannis, c'est bien parti pour que ce soit un Mubtada. Ensuite, regarde, est-ce que là, l'information tombe autour de lui? Si ça tombe autour de lui, khalas. Parce que maintenant, je vais te dire, pour que vous compreniez l'information tombe autour de qui? Chouf, maintenant, je vais te dire, Ramu, Rab, Esh, Di, Dou, Da, Nimada, Tazi, Abdou. Et toi? Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas accorder le Abdu Servi. Ça se dit, mais. Mais l'oncle, c'est pas le serviteur de l'oncle. Tu peux pas le serviteur de l'oncle. Sahih. Lakin Alham, avec Abdullah, il n'y a pas d'annexion. Non. Si, c'est lui. À moins qu'on fasse une double annexion. L'oncle d'Abdallah. On ne peut pas faire que sur Abdallah. Sur Abdullah. Ah, ça finit par qui, Abdi? مضاف مضاف إليه وهو مضاف والله جل جلاله مضاف إليه تمام بس كلا ين بس كلا ين ين إنكشن تخيل ده عمو العمو اللي عبد الله عمو اللي عبد الله مجتهد مثلا قال مجتهد مور تاهيد كيف ده زفاف. Et le Mubtada? Le Mubtada, c'est l'âme. Là, c'est pareil. Là. C'est l'âme qui est. Ah, c'est au début. Abdullah Mujtahidun. Sahih Abla. Abdullah Mujtahidun. Si j'ai supprimé. Si j'ai supprimé là, j'ai supprimé ou pas? Est-ce que ça, c'est compréhensible ou pas? Tamam. Elle a une condition. Elle a été regardée. Il manque la deuxième condition. Lorsque toi tu parles, c'est-à-dire que lorsque moi je parle, lorsque je dis Mujtahidun, je suis en train d'informer l'ijtihad sur qui? Sur l'oncle. Tu vois, donc ça ne suffit pas que la chose tu peux l'enlever. Il faut que les deux conditions soient respectées, requises. Là j'ai plus, on a pu l'enlever. Abdullah et Mujtahidun. Lakin, lorsque j'ai parlé, est-ce que j'ai voulu il y en a caractérisé Abdallah de Mujtahid. Non, j'ai voulu caractériser qui? Son oncle. C'est pas lui. Hein? C'est-à-dire que même si là on peut supprimer l'âme, laquelle la deuxième condition elle n'est pas respectée. C'est-à-dire que là, l'information elle est pas, elle tourne pas autour de qui? D'Abdallah. Mais elle tourne autour de l'âme. C'est-à-dire que toi, faut que tu. T'as pas compris? Non, j'ai compris, moi. Pourquoi tu vois, je me suis envoyé? C'est-à-dire que toi, Awalan, ça c'est pour vous montrer bien. Que Awalan, avant que tu fasses n'importe quelle chose, il faut que tu comprennes. Si jamais tu as compris là, c'est clair, hein, parce que maintenant tu vas demander, on va te dire d'appliquer les règles d'analyse grammaticale dans la langue chinoise. Hein? Tu dis juste, Yannick, tu fais comme Yannick dans la langue arabe, tu analyses. Tu vois, même si jamais c'est pas écrit en arabe, analyse juste là la langue chinoise de la manière que tu fais dans la langue arabe. Hein? Je vais te ramener l'écriture chinoise comme ça, tu comprends rien de ce qui est écrit. Non? Tu peux faire l'analyse grammaticale? Tu peux pas, parce que Aslan, tu sais même pas qu'est-ce qu'il dit là. Là, c'est la même chose. Si jamais la personne ne comprend pas, elle ne peut pas faire un arabe. Et si elle fait un arabe, elle va se tromper. Si elle a raison, elle le fera, bilahil. Le fait que tu fasses une chose, bilahil, c'est pas même d'or, c'est pas une chose que tu seras complimenté par rapport à ça. Donc il faut comprendre la phrase. Si jamais tu as compris déjà la phrase, tu sais que le mujtahid, là, l'information tourne autour de qui? C'est-à-dire que même si on peut l'enlever, c'est pas pour autant que c'est pas un muqtada. Parce que l'information tourne autour de lui. Ça, la grosse condition qui doit être respectée, c'est l'information. L'information, elle doit tourner. Parce que quoi qu'il en soit, l'information est obligée qu'elle tourne. Amal muqtada, comme on a dit, on peut supprimer de temps en temps. Si jamais il y a un dalil qui montre kadhalika al-khabar, je te dis, مثلاً, Muhammad Jalisun. Ou je te dis, Muhammad Jalisun. Tu me dis, Man Jalisun, t'as mal entendu, Man Jalisun se dit Mohamed. J'ai pas ramené le khabar, mais tu l'as compris par rapport au contexte que je suis en train de parler de Asi. Donc c'est-à-dire dans certains contextes, tu peux l'enlever, le khabar. Au Kadalika, tu peux enlever Kadalika, Al-Muqtada. La grosse condition qu'il faut respecter, c'est quoi? L'information. L'information, à partir du moment où tu sais vers qui attend l'information et qui s'entre de nous, sache que même si jamais on peut l'enlever, le Muqtada, ça veut dire. Parce que là, comme là, on a enlevé Abdallah Mujtahid. Là, l'information ne tourne pas Mujtahid sur Abdallah, elle tourne sur Am. C'est pour ça qu'il y a les deux conditions, il faut qu'elles soient respectées. Il faut qu'elles soient respectées. Et donc, on disait Aminatou wa Akifa. Donc, on dit, on est là, il y a une mutabaka. Si, dans le genre et dans le nombre. C'est-à-dire, en arabe, ça fait beaucoup. Donc il faut qu'il soit conforme dans le genre masculin et qu'il y ait quelqu'un féminin. Ta'anis, c'est féminin. Ou l'ifrad, non. Na'afan, c'est plutôt ta'anis quoi? At-tankir. T'as donc il faut qu'il y ait son corps féminin. Ta'anis, c'est le féminin. Ou t'tkir, c'est le masculin. Muzakkar. La même lettre. Za, kaf, ra. T'as et kadhalika. Non, il faut que ça s'accorde. En ouais. Genre. Mais dans l'arabe, il ne marque pas en genre et en nom. Ouais, c'est long. Il dit ta'anith wa tadhkir, ensuite il dit fil jam, donc là c'est la suite. Hein. Juste qu'il n'y a pas de place. Al jam. Wal ifrad. Comme eux, ils ont un autre truc, c'est quoi? Wa tathniya. Tu peux pas dire Amina waqifun. Khata. La bouda min mutabaka. Si c'est féminin, il doit être féminin. Singulier, singulier. Maintenant je veux dire At-tullabu. Tu veux dire mujtahidun. Tu peux pas dire At-tullab, c'est le pluriel de talib. Tu peux pas dire At-tullab mujtahid. خطأ الطلاب مجتهدون تمام في بدا الطلاب مجتهدون ابدا تمام دونك لا بد من المطابقه سكي سوا كونفورم تمام مطابقه في التانيث فيمينا والتذكير ماسكولا والجمع بلوريال والافراد سانغولي والتثنيه دون دويل فهمتم. Donc Allah. Alors, ça c'est le cours. Ça c'est par rapport aux règles. Les règles qui est entre Al-Mubtada ou Al-Khabar. Donc Al-Mubtada. Voilà, Al-Mubtada c'est. Il commence, tu commences par la phrase par lui. Il est toujours, ou Ghaliban, souvent. Mais mettez-vous comme si c'était toujours, toujours défini. Al-Haq, Mansour, Muhammadun, Rasulullah, Kada Kada Lakhita. Tu vois. Et il est tout le temps Marfou. Ghaliban. Parce que c'est lui qui commence la phrase. T'as même. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Mansour. Il vient après le Mubtada. Il vient après le Mubtada. Il est Nakira. Comment s'appelle l'indéfini? Il est Marfou. C'est-à-dire Dhamma Dhammate Auma Naba Anahuma. Et l'Abdam il Mutabaka. C'est-à-dire que le Khabar va se conformer avec le Mubtada en genre et en nombre. C'est-à-dire que si jamais il est masculin, il sera masculin. Si jamais il est féminin, il sera féminin. Si jamais il est singulier, il sera singulier. Si jamais les purées, il sera purée. Si jamais les duels, il sera duel. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.